Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, une nouvelle émission enregistrée en différé un peu plus tôt dans la semaine, avec une petite sélection de nouveautés. Qu'est-ce qu'on rentre ce soir dans la diff? Eh bien, nous avons à l'international et sur la scène française, les Norvégiens de Cranium, les Français de Gronibar, les Ricains de Cauchemar et les Pakistanais de Azahab, notamment. Donc voilà, on va prendre le temps de revenir sur un peu toutes ces nouveautés tout au long de l'émission de ce soir. Émission que l'on commence tout de suite avec la première doublette, une doublette bien extrême, Misery Index et Vatain. Tout d'abord Misery Index, le groupe de Brutal Death Hardcore, même Grindcore sur certains éléments, qui sort son nouvel effort studio Complete Control. Une sortie via Century Media, 9 titres pour 33 minutes, c'est ultra frontal, c'est radical et c'est mortellement efficace. 7ème effort studio donc pour la formation états-unienne. Et ensuite les Suédois de Vatain qui sortent également leur 7ème album studio. Toujours un black froid, frontal, violent, avec 2-3 petits tempos ralentis pour poser une ambiance un peu plus sombre, mais cependant ça a perdu un peu de sa crasse et de sa noirceur et de sa violence interne, je dirais. Une sortie Nuclear Blast, l'album s'intitule The Agony and Ecstasy of Vatain, on s'écoutera le morceau Funeral Winter, et juste avant ça, en ouverture, donc Misery Index, Rites of Cruelty. C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. Themselves and all looking strong. Doublette suivante avec le 10e album studio des vétérans de la scène hardcore américaine, Terror. Voilà, 10 titres pour un 10e album, enfin c'est extra, ça fait à peine 20 minutes, on est presque sur du hardcore teinté de power violence. L'album il est ultra bon, il s'intitule Pain into Power, on va s'écouter le titre The Hardest Truth, là c'est un titre complètement tubesque en plus. Et en doublette avec Terror, une autre formation ricaine, Wofat. Le nouvel effort studio s'intitule The Singularity. Là, on est sur du Doomstoner, un peu psych, un peu fuzz. Voilà, actif depuis une vingtaine d'années. Septième album studio. Là, par contre, on est sur quelque chose de vachement plus long que le Terror, hein, 75 minutes de musique. Les compos vachement plus longues, hein, de 7 à 16 minutes. Voilà, avec un titre, on est presque sur l'album entier de Terror. Voilà. Terror Wofat, doublette que l'on va s'écouter immédiatement, et Wofat, bah si, les présentations complètes sont faites, c'est parti, doublette Riken. Thank you. We'll be right back. Doublée suivante, retour à la violence avec tout d'abord les Norvégiens de Cranium, le groupe de Brutal Slam Death, qui sort non pas un nouvel album, le dernier Slam Causes date de 2018, mais un nouveau split avec le groupe Existential Dissipation. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce split? Eh bien, tout simplement, j'avais la note, voilà, 4 nouvelles compos et une cover de Dayside. Voilà, première apparition studio pour Cranium depuis 2018. Le titre que l'on va s'écouter aujourd'hui s'appelle Necrosodomized. C'est le premier extrait qui a été mis en ligne pour illustrer la sortie de ce split. Split au passage qui s'intitule Polymorphic Chamber of Human Conception. Voilà, ça reste du Cranium ultra qualitatif. Il y a encore un petit travail de fait sur le son pour ajouter à la lourdeur. Et on est... Comment dire? Ça reste du... Slamming Brutal Death, mais je trouve qu'il y a une connotation un peu plus Brutal Death que Slam sur ce morceau, et bah du coup c'est super intéressant à écouter. Et avec Cranium, les Anglais de Malévolence, le groupe de hardcore, heavy hardcore, metalcore même maintenant, qui sort son troisième album studio, Malicious Intent. Pour l'instant, les morceaux disponibles peinent à me convaincre. Celui qu'on s'est diffusé la semaine dernière, il est complètement cool. Celui-là, je crois que c'est le deuxième qu'ils ont sorti. Bon, il me laisse un peu sur la fin. Hein, il s'intitule Life Sentence. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Cranium Malévolence, c'est parti. We'll be right back. Christmas is clouded. Woods bring silence, but your actions speak louder. No rest for the wicked, blood is lost still breath. This is my life sentence, guilty as charged. Pas banal ensuite, et c'est du coup d'autant plus intéressant de le souligner, puisque nous aurons tout d'abord Al Namrud, le groupe d'anticoronique black metal venu d'Arabie Saoudite. La formation sort son nouvel effort studio Worship The Degenerate, toujours une sortie sur le label Shaitan Production. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique de Al Namrud? C'est ultra raw comme black metal, voilà, teinté d'ambiance venue du Moyen-Orient. 6 titres pour 26 minutes, pardon, non pas un album, mais un EP. Voilà, une batterie programmée ultra violente, et puis des vocaux rugueux, gutturaux et bien bien bien agressifs par-dessus. C'est toujours aussi parfait ce que nous propose Al Namrud via ce nouvel effort studio, ouais, qui est vraiment entre l'album et l'EP. Et ensuite, deuxième nouveauté pour ce soir, après Cranium, en doublette avec Al Namrud, nous avons Azahab. Voilà, après l'Arabie Saoudite, direction le Pakistan. Azahab est de mémoire de Sylvain, hein, qui est plus efficace là-dessus que moi. C'est le premier groupe venu du Pakistan que l'on diffuse en plus de 10 ans d'émission. Le groupe est actif depuis 2016. Ils ont eu l'occasion de sortir quelques morceaux par-ci par-là, mais rien de quoi composer une démo, un EP. Et là, ils balancent tout simplement leur premier album longue durée. Il est sorti courant du mois dernier. Musicalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Du death, un peu old school, un peu tech. C'est globalement ultra solide, puisqu'en plus on a affaire à des icos qui sont passés par d'autres formations de la scène pakistanaise avant de monter Azahab. Et à la fin, on retrouve une cover d'un vieux morceau de Decapitated, époque 2004, avec l'album The Negation. Donc voilà, Azahab tire son essence de cette veine du death metal, un peu tech, un peu old school, un peu brutal. Et ma foi, la recette fait méchamment le taf. Azahab, le morceau Trophies of Flesh, extrait de l'album Summoning the Cataclysm. A noter que c'est le même label que le groupe Helios qu'on vous diffuse actuellement, Satana Records, un label russe de base. A noter que le patron de ce label du coup a quitté la Russie suite à l'agression envers l'Ukraine, et qu'il a beaucoup perdu dans cette démarche plutôt courageuse. Donc voilà, intéressez-vous aux sorties très qualitatives de ce label, surtout qu'actuellement, il y en a pas mal. C'est parti, Al Namrud, Azahab, c'est parti. We'll be right back. attaque maintenant la spé française. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est sur une nouvelle émission enregistrée en différé. Et donc voilà, c'est l'heure d'attaquer l'aspect hexagonal avec une doublette de nouveautés. Tout d'abord, Gronibar, le groupe de gore-grind français venu du nord de la France qui sort son troisième album studio. Hein, faut compter un paquet d'années entre deux sorties studio du côté des Lillois. Les trois premiers morceaux qui ont été mis en ligne, personnellement, peinent à convaincre. 16 titres pour 38 minutes. Pour moi, il n'y a à l'heure actuelle que le morceau qu'on va vous diffuser ce soir qui est vraiment, vraiment bien. Voilà, puis bah, Gronibar se remet à faire de la scène, et ça par contre c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce nouvel effort studio de Gronibar, en plus pour la blague, sort chez 69 Mist. Il s'intitule Regarde les hommes sucés, coucou le clin d'œil. On va s'écouter le morceau Fast Gaze of Humanity, et en doublette avec Gronibar, une autre nouveauté signée sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Il s'agit de Ergal, groupe... j'allais dire bien évidemment de black metal. Ils sortent là leur troisième effort studio, un album éponyme ou tout simplement dénué de nom. 7 titres pour 40 minutes de musique. On est sur un black traditionnel français avec des titres chantés en français. C'est bien exécuté et c'est voilà, toujours dans la lignée qualitative des sorties Les Acteurs de l'Ombre. Et on s'écoutera donc après le titre de Gronibar, le morceau Fureur Funeste de Ergal. Et les deux albums sont déjà dispo, c'est parti. Quoi ? Je ne comprends pas, mon vocabulaire est limité, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai faim et que je vais te sucer. Non ! Non ! I'm gonna go Doublée suivante, toujours dans l'aspect française, nous passons maintenant à Winter Helter. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la musique de Winter Helter? C'est une jeune formation post-metal d'influence Cult of Luna ou autre Amenra, notamment grâce aux touches Roland post-hardcore. On retrouve sur deux titres en guest vocal Laure Leprenec, qui était vocaliste au sein de la formation Igor. Donc voilà, musicalement, Winter Helter, c'est lourd, c'est sombre, c'est mélancolique et atmosphérique, forcément, de par les inspirations musicales. Et on les a mis en doublette avec Death War, une récente formation sous forme de trio qui nous vient de Nancy. Un solide mix bien équilibré entre du death et du hardcore. Ils sortent là leur second EP, 4 titres pour 10 minutes. C'est violent, c'est lourd, c'est nihiliste. Et c'est largement influencé par les Terror, Annihilus, Black Breath et autres pontes du genre. Voilà, Winter Helter, l'album s'intitule Deus Hills. On s'écoutera le titre Sonar. Juste après ça, Death War, Tell Me About Justice. Extrait de leur nouvelle EP, Total Teutonic Torso. C'est parti.